été. Un souvenir pareil à chair de l'été. Vas-y maintenant danse, c'est la fête, c'est l'été. Vas-y danse, bébé danse tout l'été. Dans tous les appareils, dans la mer agitée. Maintenant vas-y danse, c'est la fête, c'est l'été. C'est l'été, les rayons du soleil qui reviennent nous percer. Maintenant vas-y danse, bébé danse tout l'été. Danse sous les appareils, la chaleur de l'été. Fête, c'est l'été, les rayons du soleil qui reviennent nous bercer. Maintenant, maintenant, danse, bébé, danse tout l'été. Danse sous les appareils, la chaleur de l'été. Danse, c'est la fête, c'est l'été, les rayons du soleil qui reviennent nous bercer. Maintenant, vas-y, danse, bébé, danse tout l'été. Que soit pareil, nous de cœur alignés. Danse, c'est la fête, c'est l'été. Les rayons du soleil qui reviennent nous percer. Maintenant, maintenant, danse, c'est la fête, c'est l'été. Les rayons du soleil qui reviennent nous percer. Maintenant, maintenant, danse, c'est la fête, c'est l'été. C'est l'été.